Alexandre Dumas, le capitaine Pamphile, chapitre 4. Ah, fit le docteur Thierry, en entrant le lendemain dans l'atelier, vous avez un nouveau locataire. Et sans faire attention au grognement amical de Tom et aux grimaces prévenantes de Jacques, il s'avança vers le bocal qui contenait Mademoiselle Camargo et y plongea la main. Mademoiselle Camargo, qui ne connaissait pas Thierry, pour un médecin très savant, et pour un homme fort spirituel, se mit à ramer circulairement le plus vite qu'elle put, ce qui ne l'empêcha pas d'être saisie au bout d'un instant par l'extrémité de la patte gauche, et de sortir de son domicile la tête en bas. « Tiens, dit Thierry en la faisant tourner à peu près, comme une bergère fait tourner un fuseau. C'est la rana temporaria, voyez, ainsi nommée à cause de ces deux taches noires qui vont de l'œil au tympan, qui vit également dans les eaux courantes et dans les marais, que quelques auteurs ont nommé la grenouille muette parce qu'elle coasse au fond de l'eau, tandis que la grenouille verte ne peut coasser qu'au dehors. Si vous en avez 200 comme celle-ci, je vous donnerai le conseil de leur couper les cuisses de derrière et de les assaisonner en fricassée de poulet, d'envoyer chez Corselet 2 bouteilles de Bordeaux mouton, et de m'inviter à dîner. Mais n'en ayant qu'une, nous nous contenterons, avec votre permission, d'éclaircir sur elle un point de science encore obscur, quoique soutenu par plusieurs naturalistes. C'est que cette grenouille peut rester 6 mois sans manger. À ces mots, il laissa retomber Mademoiselle Camargo, qui se mit incontinent à faire 2 ou 3 fois, avec la souplesse joyeuse dont ses membres étaient capables, le périple de son bocal. Après quoi, apercevant une mouche qui était tombée dans son domaine, elle s'élança à la surface de l'eau et l'engloutit. « Je te passe encore celle-là, dit Thierry, mais fais bien attention quand voilà pour 183 jours. » Car malheureusement pour Mademoiselle Camargo, l'année 1830 était bissextile. La science gagnait 12 heures à cet accident solaire. Mademoiselle Camargo ne parut nullement s'inquiéter de cette menace et resta gaillardement la tête hors de l'eau, les 4 pattes nonchalamment étendues, sans mouvement aucun, et avec le même aplomb que si elle eût reposé sur un terrain solide. « Maintenant, dit Thierry, faisant glisser un tiroir, pourvoyons à l'ameublement de la prisonnière. » Il en tira 2 cartouches, une vrille, un canif, 2 pinceaux et 4 allumettes. Descamps le regardait faire en silence et sans rien comprendre à cette manœuvre à laquelle le docteur prêtait autant de soin qu'aux préparatifs d'une opération chirurgicale. Puis il vida la poudre dans un porte-mouchette et garda les balles, jeta la plume et le blaireau à Jacques et garda les hantes. « Quel diable de bricole faites-vous là ? » dit Descamps, arrachant à Jacques ses 2 meilleurs pinceaux. « Mais vous ruinez mon établissement !»« Je fais une échelle, » dit gravement Thierry. En effet, il venait de percer, à l'aide de la vrille, les 2 balles de plomb, avait assujetti dans les trous les hantes des pinceaux, et dans ces hantes, destinées à faire les montants, il assujettissait transversalement les allumettes qui venaient servir d'échelon. Au bout de 5 minutes, l'échelle fut terminée et descendue dans le bocal, au fond duquel elle resta fixée par le poids des 2 balles. Mademoiselle Camargo fut à peine propriétaire de ce meuble qu'elle en fit l'essai, comme pour s'assurer de sa solidité, en montant jusqu'au dernier échelon. « Nous aurons de la pluie, » dit Thierry. « Diable, fille de camp, vous croyez ? Et mon frère qui voulait retourner aujourd'hui à la chasse ?»« Mademoiselle Camargo ne lui donne pas ce conseil, » répondit le docteur. « Comment ? Je viens de vous économiser un baromètre, cher ami. Tout et quante fois Mademoiselle Camargo grimpera à son échelle, ce sera signe de pluie. Lorsqu'elle en descendra, vous serez sûr d'avoir du beau temps. Et quand elle se tiendra au milieu, ne vous hasardez pas sans parasol ou sans manteau. Variable, variable. Tiens, tiens, tiens, dit Descamps. Maintenant, continua Thierry, nous allons boucher le bocal avec un parchemin, comme s'il contenait encore toutes ses cerises. Voici, dit Descamps en lui présentant ce qu'il demandait. Nous allons l'assujettir avec une ficelle. Voilà. Puis je vous demanderai de la cire. Bon, une lumière, c'est ça. Et pour m'assurer de mon expérience, il alluma la cire, cacheta le nœud et appuya le chaton de sa bague sur le cachet. Là, en voilà pour un semestre. Maintenant, continua-t-il en perçant à l'aide du canif quelques trous dans le parchemin, maintenant une plume et de l'encre. Avez-vous jamais demandé une plume et de l'encre à un peintre? Non. Eh bien, ne lui en demandez pas, car il ferait ce que fit Descamps. Il vous offrirait un crayon. Thierry prit le crayon et écrivit sur le parchemin « 2 septembre 1829 ». Or, le soir de la réunion dont nous avons essayé de donner une idée à nos lecteurs, il y avait juste 183 jours, c'est-à-dire 6 mois et 12 heures, que Mademoiselle Camargo indiquait invariablement et sans s'être dérangée une minute la pluie, le beau temps et le variable. Régularité d'autant plus remarquable que pendant ce temps-là, elle n'avait pas incorporé un atome de nourriture. Aussi, lorsque Thierry, quittant sa montre, eut annoncé que la dernière seconde de la 60e minute de la 12e heure était écoulée, et qu'on eut apporté le bocal, un sentiment général de pitié s'empara de l'assemblée en voyant à quel état misérable était réduite la pauvre bête qui venait aux dépens de son estomac de jeter sur un point obscur de la science une si grande et si importante lumière. « Vous voyez, dit Thierry triomphant, Schneider et Roissel avaient raison. »« Raison, raison, dit Jadin en prenant le bocal et en le portant à la hauteur de son œil. « Il ne m'est pas bien prouvé que Mademoiselle Camargo ne soit pas défunte. »« Il ne faut pas écouter Jadin, dit Flers, il a toujours été très mal pour Mademoiselle Camargo. » Thierry prit une lampe et la maintint derrière le bocal. « Regardez, dit-il, et vous verrez battre le cœur. » En effet, Mademoiselle Camargo était devenue si maigre qu'elle était transparente comme un cristal et que l'on distinguait tout l'appareil circulatoire. On pouvait même remarquer que le cœur n'avait qu'un ventricule et qu'une oreillette, mais ses organes faisaient leurs offices si faiblement, et Jadin s'était trompé de si peu que ce n'était vraiment pas la peine de le démentir, car on n'aurait pas donné à la pauvre bête 10 minutes à vivre. Ses jambes étaient devenues grêles comme des fils, et le train de derrière ne tenait à la partie antérieure du corps que par les os, qui forment le ressort à l'aide duquel les grenouilles sautent au lieu de marcher. Il lui était poussé, en outre, sur le dos, une espèce de mousse, qui, à l'aide du microscope, devenait une véritable végétation marine, avec ses roseaux et ses fleurs. Thierry, en sa qualité de botaniste, prétendit même que cet imperceptible pouce appartenait à la famille des lentisques et des cressons. Personne n'entama de discussion là-dessus. « Maintenant, dit Thierry, lorsque chacun, à son tour, eut bien examiné Mademoiselle Camargo, il faut la laisser souper tranquillement. »« Et que va-t-elle manger ?» dit Flers. « J'ai son repas dans cette boîte. » Et Thierry, soulevant le parchemin, introduisit dans l'espace réservé à l'air une si grande quantité de mouches, auxquelles il manquait une aile, qu'il était évident qu'il avait consacré sa matinée à les prendre, et son après-midi à les mutiler. Nous crûmes que Mademoiselle Camargo en avait pour 6 autres mois. L'un de nous alla même jusqu'à émettre cette opinion. « Erreur, répondit Thierry. Dans un quart d'heure, il n'y en aura plus une seule. » Le moins incrédule de nous laissa échapper à un geste de doute. Thierry, fort d'un premier succès, reporta Mademoiselle Camargo à sa place habituelle, sans même daigner nous répondre. Il n'avait point encore repris sa place lorsque la porte s'ouvrit et que le maître du café voisin entra, portant un plateau sur lequel était une théière, un sucrier et des tasses. Il était immédiatement suivi de 2 garçons qui portaient dans une manne d'osier un pain de munitions, une brioche, une salade et une multitude de petits gâteaux de toutes les formes, de toutes les espèces. Ce pain de munitions était pour Tom, la brioche pour Jacques, la salade pour Gazelle, et des petits gâteaux pour nous. On commença par servir les bêtes. Puis on dit aux gens qu'ils étaient libres de se servir eux-mêmes comme ils l'entendaient. Ce qui me paraît, sauf meilleur avis, être de la meilleure manière de faire les honneurs de chez soi. Il y eut un instant de désordre, apparent, pendant lequel chacun s'accommoda à sa fantaisie et selon sa convenance. Tom emporta en grognant son pain dans sa niche. Jacques se réfugia, avec sa brioche, derrière les bustes de Malagouti et de Ratta. Gazelle tira lentement la salade, sous la table. Quant à nous, nous prîmes ainsi que cela se pratique assez généralement une tasse de la main gauche et un gâteau de la main droite, et vice-versa. Au bout de 10 minutes, il n'y avait plus ni thé ni gâteau. On sonna en conséquence le maître du café, qui reparut avec ses acolytes. « D'autres, » dit Descamps. Et le maître de café sortit à reculons et en s'inclinant pour obéir à cette injonction. « Maintenant, messieurs, » dit Flers, en regardant Thierry d'un air goguenard et Descamps d'un air respectueux, « en attendant que mademoiselle Camargo ait soupé et que l'on nous apporte d'autres gâteaux, je crois qu'il serait bon de remplir l'intermède par la lecture du manuscrit de Jadin. Il traite des premières années de Jacques Ier, que nous avons tous l'honneur de connaître assez particulièrement et auquel nous portons un intérêt trop cordial, pour que les moindres détails recueillis sur lui n'acquièrent pas une grande importance à nos yeux. Dixie. Chacun s'inclina en signe de consentement. Une ou deux personnes battirent même des mains. « Jacques, mon ami, dit Faux, lequel, en sa qualité de précepteur, était celui de nous tous qui était le plus intime avec le héros de cette histoire, vous voyez qu'on parle de vous. Venez ici. » Et immédiatement après ces deux mots, il fit entendre un sifflement particulier si connu de Jacques que l'intelligent animal ne fit qu'un bond de sa planche sur l'épaule de celui qui lui adressait la parole. « Bien, Jacques, c'est très beau d'être obéissant, surtout lorsqu'on a ses abajoues pleines de brioches. Salut ces messieurs. » Jacques porta la main à son front, à la manière des militaires. « Et si votre ami Jadin, qui va lire votre histoire, tenait sur votre compte quelques propos calomnieux, dites-lui que c'est un menteur. » Jacques hocha la tête de haut en bas, en signe d'intelligence parfaite. C'est que Jacques et Faux étaient véritablement liés d'une amitié harmonique. C'était de la part de l'animal surtout une affection comme on n'en trouve plus chez les hommes. Et à quoi cela tenait-il? Il faut l'avouer, à la honte de l'espèce simiane, ce n'était pas en ornant son esprit comme Fénélon avait fait pour le grand dauphin. C'était en flattant ses vices, comme l'avait fait Catherine à l'égard de Henri III, que le précepteur avait acquis sur l'élève cette déplorable influence. Ainsi Jacques, en arrivant à Paris, n'était qu'un amateur de bon vin. Faux en avait fait un ivrogne. Ce n'était qu'un sybarite à la manière d'Alcibiade. Faux en avait fait un cynique de l'école de Diogène. Il n'était que recherché comme Lucullus. Faux l'avait rendu gourmand comme Grimaud de la Reynière. Il est vrai qu'il avait gagné à cette corruption morale une foule d'agréments physiques, qui en faisaient un animal très distingué. Il connaissait sa main droite de sa main gauche, faisait le mort pendant 10 minutes, dansait sur la corde comme Madame Saki, allait à la chasse un fusil sous le bras et une carnassière sur le dos, montrait son port d'armes aux gardes champêtres et son derrière aux gendarmes. Bref, c'était un charmant mauvais sujet, qui n'avait eu que le tort de naître sous la Restauration, au lieu de naître sous la Régence. Aussi, Faux frappait-il à la porte de la rue. Jacques tressaillait. Montait-il l'escalier? Jacques le sentait venir. Alors il jetait de petits cris de joie, sautait sur ses pattes de derrière, comme un kangourou. Et quand Faux ouvrait la porte, il s'élançait dans ses bras, comme on le fait encore au Théâtre Français, dans le drame des deux frères. Bref, tout ce qui était à Jacques était à Faux, et il se serait ôté la brioche de la bouche pour la lui offrir. « Messieurs, dit Jadin, si vous voulez vous asseoir et allumer les pipes et les cigares, je suis prêt. » Chacun obéit. Jadin toussa, ouvrit le manuscrit et lut ce qui suit. Le 24 juillet 1827, le brick La Roxelane faisait voile de Marseille et allait charger du café à Moka, des épiceries à Bombay et du thé à Canton. Il relâcha pour renouveler ses vivres dans la baie de Saint-Paul de Loanda, située, comme chacun sait, au centre de la Guinée inférieure. Pendant que les échanges se faisaient, le capitaine Pamphile, qui en était à son 10e voyage dans les Indes, prit son fusil et, par une chaleur de 70 degrés, s'amusa à remonter les rives de la rivière Bengo. Le capitaine Pamphile était depuis Nemrod le plus grand chasseur devant Dieu qui eût paru sur la terre. Il n'avait pas fait 20 pas dans les grandes herbes qui bordent le fleuve qu'il sentit que le pied lui tournait sur un objet rond et glissant comme le tronc d'un jeune arbre. Au même instant, il entendit un sifflement aigu et à 10 pas devant lui, il vit se dresser la tête d'un énorme boa sur la queue duquel il avait marché. Un autre que le capitaine Pamphile eut certes ressenti quelque crainte en se voyant menacé par cette tête monstrueuse, dont les yeux sanglants brillaient en le regardant comme deux escarboucles. Mais le boa ne connaissait pas le capitaine Pamphile. « Tant des dieux, des reptiles, est-ce que tu crois me faire peur ?» dit le capitaine. Et au moment où le serpent ouvrait la gueule, il lui envoya une balle qui lui traversa le palais et sortit par le haut de la tête. Le serpent tomba mort. Le capitaine commença par recharger tranquillement son fusil. Puis, tirant son couteau de sa poche, il alla vers l'animal, lui ouvrit le ventre, sépara le foie des entrailles, comme avait fait l'ange de Tobie. Et après un instant de recherche active, il trouva une petite pierre bleue de la grosseur d'une noisette. « Bon, dit-il. » Et il mit la pierre dans une bourse, où il y en avait déjà une douzaine d'autres pareilles. Le capitaine Pamphile était lettré, comme un mandarin. Il avait lu les mille et une nuits et cherchait le bézoar enchanté du prince Camaralzaman. Dès qu'il crut l'avoir trouvé, il se remit en chasse. Au bout d'un quart d'heure, il vit s'agiter des herbes à 40 pas devant lui et entendit un rugissement terrible. À ce bruit, tous les êtres semblèrent reconnaître le maître de la création. Les oiseaux qui chantaient se turent, deux gazelles effarouchées bondirent et s'élancèrent dans la plaine, un éléphant sauvage qu'on apercevait un quart de lieue de là, sur une colline, leva sa trompe pour se préparer au combat. « Pro, pro !» fit le capitaine Pamphile, comme s'il se fût agi de faire envoler une compagnie de perdreaux. À ce bruit, le tigre, qui était resté couché jusqu'alors, se leva, battant ses flancs de la queue. C'était un tigre royal, de la plus grande taille. Il fit un bond et se rapprocha de 20 pieds du chasseur. « Farceur, dit le capitaine Pamphile, tu crois que je vais te tirer à cette distance pour te gâter ta peau ?»« Prou, prou !» Le tigre fit un second bond, qui le rapprocha de 20 pieds encore. Mais au moment où il touchait la pierre, le coup partit et la balle l'atteignit dans l'œil gauche. Le tigre boula comme un lièvre et expira aussitôt. Le capitaine Pamphile rechargea tranquillement son fusil, tira son couteau de sa poche, retourna le tigre sur le dos, lui fendit la peau sous le ventre et le dépouilla comme une cuisinière fait d'un lapin. Ensuite, il s'affubla de la fourrure de sa victime, comme l'avait fait 4000 ans auparavant l'Hercule Néméen, dont, en sa qualité de Marseillais, il avait la prétention de descendre. Puis il se remit en chasse. Une demi-heure ne s'était point écoulée qu'il entendit une grande rumeur dans les eaux du fleuve dont il suivait les rives. Il courut vivement sur le bord et reconnut que c'était un hippopotame qui allait contre le cours de l'eau et qui, de temps en temps, montait à sa surface pour souffler. Bagasse, dit le capitaine Pamphile. Voilà qui va m'épargner pour 6 francs de verroterie. C'était le prix courant des bœufs à Saint-Paul-de-Landin. Et le capitaine Pamphile passait pour être économe. En conséquence, guidé par les bulles d'air qui la dénonçaient en venant crever à la surface de la rivière, il suivit la marche de l'animal, et lorsque celui-ci sortit son énorme tête, le chasseur, choisissant le seul point qui soit vulnérable, lui envoya une balle dans l'oreille. Le capitaine Pamphile aurait à 500 pas touché Achille au talon. Le monstre tournoya quelques secondes, mugissant effroyablement et battant l'eau de ses pieds. Un instant du cru qu'il allait s'engloutir dans le tourbillon que lui creusait son agonie, mais bientôt ses forces s'épuisèrent. Il roula comme un ballot, puis peu à peu, la peau blanchâtre et lisse de son ventre apparut, au lieu de la peau noire et pleine de rugosité de son dos. Et dans un dernier effort, il vint s'échouer les 4 pattes en l'air, au milieu des herbes qui poussaient au bord de la rivière. Capitaine Pamphile rechargea tranquillement son fusil, tira son couteau de sa poche, coupa un petit arbre de la grosseur d'un manche à balai, l'aiguisa par un bout, le fendit par l'autre, planta le bout aiguisé dans le ventre de l'hippopotame et introduisit dans le bout fendu une feuille de son agenda sur laquelle il écrivit au crayon « Au cuisinier du brick de commerce La Roxelaine, de la part du capitaine Pamphile, en chasse sur les rives de la rivière Bengo. » Puis il poussa du pied l'animal qui prit le fil de l'eau et descendit tranquillement la rivière, étiqueté comme le porte-manteau d'un commis voyageur. « Ah ! » fit le capitaine Pamphile lorsqu'il vit les provisions en bonne route vers son bâtiment. « Je crois que j'ai bien gagné que je déjeunasse. » Et comme c'était une vérité que lui seul avait besoin de reconnaître pour que toutes ses conséquences en fussent déduites à l'instant même, il étendit par terre sa peau de tigre, s'assit dessus, tira de sa poche gauche une gourde de rhum qu'il posa à sa droite, de sa poche droite une superbe goyave qu'il posa à sa gauche, et de sa gibecière un morceau de biscuit qu'il plaça entre ses jambes. Puis il se mit à charger sa pipe pour n'avoir rien de fatigant à faire après son repas. Vous avez vu parfois de bureau faire avec grand soin les préparatifs de son déjeuner pour qu'Arlequin le mange? Vous vous rappelez sa tête, n'est-ce pas, lorsqu'en se tournant il voit son verre vide et sa pomme chipée? Oui. Eh bien, regardez le capitaine Pamphile, qui trouve sa gourde de rhum renversée et sa goyave disparue. Le capitaine Pamphile, à qui le privilège du ministre de l'Intérieur n'a point interdit la parole, fit entendre le plus merveilleux « tronc de Dieu » qui soit sorti d'une bouche provençale depuis la fondation de Marseille, comme il était moins crédule que de bureau, qu'il avait lu les philosophes anciens et modernes, et qu'il avait appris dans Diogène Laërce et dans Monsieur de Voltaire, qu'il n'est point d'effet sans cause. Il se mit immédiatement à chercher la cause, dont l'effet lui était si préjudiciable, mais cela sans faire semblant de rien, sans bouger de la place où il était, et tout en ayant l'air de grignoter son pain sec. Sa tête seule tourna 5 minutes à peu près, comme celle d'un magot de la Chine, et cela impétueusement, lorsque tout à coup un objet quelconque lui tomba sur la tête et s'arrêta dans ses cheveux. Le capitaine porta la main à l'endroit percuté et trouva la pelure de sa goyave. Le capitaine Pamphile leva le nez et aperçut directement au-dessus de lui un singe qui grimaçait dans les branches d'un arbre. Le capitaine Pamphile étendit la main vers son fusil, sans perdre de vue son larron. Puis, appuyant la crosse à son épaule, il lâcha le coup. La guenon tomba à côté de lui. « Piqué !» dit le capitaine Pamphile en jetant les yeux sur sa nouvelle proie. « J'ai tué un singe bicéphale. » En effet, l'animal gisant au pied du capitaine Pamphile avait deux têtes bien séparées, bien distinctes, et le phénomène était d'autant plus remarquable que l'une des deux têtes était morte et avait les yeux fermés, tandis que l'autre était vivante et avait les yeux ouverts. Le capitaine Pamphile, qui voulait éclaircir ce point bizarre d'histoire naturelle, prit le monstre par la queue et l'examina avec attention. Mais à sa première inspection, tout étonnamment, disparut. Le singe était une guenon, et la seconde tête, celle de son petit, qu'elle portait sur son dos au moment où elle avait reçu le coup, et qui était tombée de sa chute sans lâcher le sein maternel. Le capitaine Pamphile, à qui le dévouement de Cléobis et de Biton n'aurait pas fait verser une larme, prit le petit singe par la peau du cou, l'arracha du cadavre qu'il tenait embrassé, l'examina un instant avec autant d'attention qu'aurait pu le faire monsieur de Buffon, et, pinçant les lèvres d'un air de satisfaction intérieure, « Bagasse ! S'écria-t-il, c'est un calitriche ! Cela vaut 50 francs comme un liard, rendu sur le port de Marseille. » Et il le mit dans sa gibecière. Puis, comme le capitaine Pamphile était à Jean, par l'incident que nous avons raconté, il se décida à reprendre la route de la baie. D'ailleurs, quoique sa chasse n'eût duré que 2 heures environ, il avait tué dans cet espace de temps un serpent boa, un tigre, un hippopotame, et rapporté vivant un calitriche. Il y a bien des chasseurs parisiens qui se contenteraient d'une pareille chance pour toute leur journée. En arrivant sur le pont du Brick, il vit tout l'équipage occupé autour de l'hippopotame, qui était heureusement parvenu à son adresse. Le chirurgien du navire lui arrachait les dents, afin d'en faire des manches de couteau pour Villeneuve et de four atelier pour Désirabod. Le contremaître lui enlevait le cuir et le découpait en lanières, afin d'en confectionner des fouets à battre les chiens et des garcettes à épousseter les mousses. Enfin, le cuisinier lui taillait des beefsteaks dans le filet et des grillades dans l'entrecôte pour la table du capitaine Pamphile. Le reste de l'animal devait être coupé par quartier et salé à l'intention de l'équipage. Le capitaine Pamphile fut si satisfait de cette activité qu'il ordonna une distribution extraordinaire de rhum et fit remise de 5 coups de garcette à un mousse qui était condamné à en recevoir 70. Vu ce surcroît de provisions, le capitaine Pamphile jugea inutile de relâcher au cap de Bonne-Espérance, et laissant à droite les îles du Prince-Édouard et à sa gauche la terre de Madagascar, il s'élança dans la mer des Indes. La Roxelane marchait donc bravement en vent arrière, filant ses 8 nœuds à l'heure, ce qui, au dire des marins, est un fort joli train pour un bâtiment de commerce. Lorsqu'un matelot des vigies cria des huniers, « Une voile, à l'avant !» Le capitaine Pamphile prit sa lunette, la braqua sur le bâtiment signalé, regarda à l'œil nu, rebraqua de nouveau sa lunette, puis après un instant d'examen attentif, il appela le second et lui remit silencieusement l'instrument entre les mains. Celui-ci le porta aussitôt à son œil. « Eh bien, Policard, » dit le capitaine, lorsqu'il crut que celui auquel il adressait la parole avait eu le temps d'examiner à son aise l'objet en question. « Que dis-tu de cette patache ?»« Ma foi, capitaine, je dis qu'elle a une drôle de tournure. » Quant à son pavillon, il en reporta la lunette à son œil. « Le diable me brûle si je sais quelle puissance il représente. C'est un dragon, vert et jaune, sur un fond blanc. »« Eh bien, saluez jusqu'à terre, mon ami, car vous avez devant vous un bâtiment appartenant au fils du soleil, au père et à la mère du genre humain, au roi des rois, au sublime empereur de la Chine et de la Cochinchine. Et de plus, je reconnais à sa couronne arrondie et à sa marche de tortue qu'il ne retourne pas à Pékin le ventre vide. Diable, diable, fit Policar en se grattant l'oreille. Que penses-tu de la rencontre? Je pense que ce serait drôle, n'est-ce pas? Eh bien, moi aussi, mon enfant. Alors il faut monter la ferraille sur le pont et déployer jusqu'au dernier pouce de toile. Ah, il nous a aperçus à son tour. Alors attendons la nuit, et jusque-là, filons honnêtement notre câble, afin qu'il ne se doute de rien. Autant que je puis juger de sa marche avant 5 heures, nous serons dans ses eaux. Toute la nuit, nous naviguerons bord à bord, et demain, dès le matin, nous lui dirons bonjour. Le capitaine Pamphile avait adopté un système. Au lieu de lester son bâtiment avec des pavés ou des gueuses, il mettait à fond de cale une demi-douzaine de pierres rayées, 4 ou 5 caronades de 12 et une pièce de 8 allongée. Puis, à tout hasard, il y ajoutait quelques milliers de gargousses, une 50aine de fusils et une 20aine de sabres d'abordage. Dans des occasions semblables à celles dans laquelle on se trouvait, il faisait monter toutes ces bricoles sur le pont, assujettissait les pierriers et les caronades sur leurs pivots, traînait la pièce de 8 sur l'arrière, distribuait les fusils à ses hommes et commençait à établir ce qu'il appelait son système d'échange. Ce fut dans ces dispositions commerciales que le bâtiment chinois le trouva le lendemain. La stupéfaction fut grande à bord du navire impérial. Le capitaine avait reconnu, la veille, un navire marchand, et s'était endormi là-dessus en fumant sa pipe à opium. Mais voilà que, dans la nuit, le chat était devenu tigre et qu'il montrait ses griffes de fer et ses dents de bronze. On alla prévenir le capitaine Kak-Siu-Kon de la situation dans laquelle on se trouvait. Il achevait un rêve délicieux. Le fils du soleil venait de lui donner une de ses sœurs en mariage, de sorte qu'il se trouvait beau-frère de la lune. Aussi eut-il beaucoup de peine à comprendre ce que lui voulait le capitaine Pamphile. Il est vrai que celui-ci lui parlait en provençal et que le nouveau marié répondait en chinois. Enfin, il se trouva à bord de la Roxelane, un provençal qui savait un peu de chinois, et à bord du bâtiment du sublime empereur, un chinois qui parlait passablement provençal, de sorte que les deux capitaines finirent par s'entendre. Le résultat du dialogue fut que la moitié de la cargaison du bâtiment impérial, capitaine Kaoxiu-Kwan, passa immédiatement à bord du brick de commerce la Roxelane, capitaine Pamphile. Et comme cette cargaison se composait justement de café, de riz et de thé, il en résulta que le capitaine Pamphile n'eut besoin de relâcher ni à Mocha, ni à Bombay, ni à Pékin. Ce qui lui fit une grande économie de temps et d'argent. Cela le rendit de si bonne humeur qu'en passant à l'île Rodriguez, il acheta un perroquet. Arrivé à la pointe de Madagascar, on s'aperçut qu'on allait manquer d'eau. Mais comme la relâche du cap Sainte-Marie n'était pas sûre, pour un bâtiment aussi chargé que l'était la Roxelane, le capitaine mit son équipage à la demi-ration et résolut de ne s'arrêter que dans la baie d'Algoa. Comme il procédait au chargement des barriques, il vit s'avancer vers lui un chef de Gonaquas, suivi de 2 hommes qui portaient sur leurs épaules, à peu près comme les envoyés des Hébreux, la grappe de raisin de la terre promise, une magnifique dent d'éléphant. C'était un échantillon que le chef Outavari, ce qui veut dire dans la langue Gonaquas, fils de l'Orient, apportait à la côte, espérant obtenir une commande dans la partie. Le capitaine Pamphile examina l'ivoire, le trouva de première qualité, et demanda au chef Gonaquas ce que lui coûterait 2000 dents d'éléphant pareilles à celles qu'il lui montrait. Outavari répondit que cela lui coûterait au juste 3000 bouteilles d'eau-de-vie. Le capitaine voulut marchander, mais le fils de l'Orient tint bon, en soutenant qu'il n'avait point surfait. de sorte que le capitaine fut obligé d'en venir où le nègre voulait l'amener, ce qui au reste ne lui coûta pas extrêmement, attendu qu'à ce prix, il y avait à peu près 10 000% à gagner. Le capitaine demanda quand pourrait se faire la livraison. Outavari exigea 2 ans. Ce délai cadrait admirablement avec les engagements du capitaine Pamphile, si bien que les deux dignes négociants se serrèrent la main et se séparèrent enchantés l'un de l'autre. Cependant, ce marché tout avantageux qu'il était tourmentait la conscience mercantile du digne capitaine. Il réfléchissait, à part lui, que s'il avait eu l'ivoire à si bon marché à la pointe orientale de l'Afrique, il devait le trouver à moitié prix à la pointe occidentale, puisque c'était surtout de ce côté que les éléphants étaient en si grand nombre, qu'ils avaient donné leur nom à une rivière. Il voulut donc en avoir le cœur net, et arrivé sous le 30e degré de latitude, il ordonna de mettre le cap sur la terre. Seulement s'étant trompé de 4 ou 5 degrés, il l'aborda à l'embouchure de la rivière d'Orange, au lieu de celle des éléphants. Le capitaine Pamphile ne s'en inquiéta point autrement, les distances étant si rapprochées qu'elles ne devaient produire aucune variété dans le prix. En conséquence, il fit mettre le chaloupe en mer et remonta le fleuve jusqu'à la ville capitale des petits Namaquois, située à 2 journées dans l'intérieur des terres. Il trouva le chef Outavaro, revenant d'une grande chasse où il avait tué 15 éléphants. Les échantillons ne manquaient donc pas, et le capitaine put se convaincre qu'ils étaient encore supérieurs à ceux d'Outavari. Il en résulta entre Outavaro et le capitaine un marché beaucoup plus avantageux encore pour ce dernier que celui qu'il avait passé avec Outavari. Le fils de l'Occident donnait au capitaine Pamphile 2 000 défenses pour 500 bouteilles d'eau-de-vie. C'était un tiers meilleur marché que son confrère, mais comme lui, il demandait 2 ans pour confectionner sa fourniture. Le capitaine Pamphile n'apporta point de discussion à propos de ce délai. Au contraire, il y trouvait une économie. C'était de ne faire qu'un voyage pour les 2 chargements. Outavaro et le capitaine se serrèrent la main en signe de marché fait, et se quittèrent les meilleurs amis du monde. Et le brick La Roxalane reprit sa route vers l'Europe. À ce moment de l'histoire de Jadin, la pendule sonna minuit, heure militaire, pour presque tous ceux qui logent au-dessus du 5e étage. Chacun se levait donc pour se retirer lorsque Flers rappela au docteur Thierry qu'il restait une dernière vérification à faire. Le docteur prit le bocal, l'exposa à la vue de tous. Il n'y restait pas une seule mouche. En revanche, mademoiselle Camargo avait acquis le volume d'un œuf de dinde et semblait sortir d'un pot à cirage. Chacun s'éloigna en félicitant Thierry sur son immense érudition. Le lendemain, nous reçûmes une lettre ainsi conçue. Messieurs Eugène et Alexandre de Caen ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent de faire de mademoiselle Camargo, morte d'indigestion dans la nuit du 2 au 3 mars. Vous êtes invités au repas funèbre qui aura lieu dans la maison mortuaire, le 6 du courant, à 5 heures précises du soir. Alexandre Dumas, le capitaine Pamphile, chapitre 4. 4. Ah, fit le docteur Thierry. En entrant le lendemain dans l'atelier, vous avez un nouveau locataire, et sans faire attention au grognement amical de Tom et aux grimaces prévenantes de Jacques, il s'avança vers le bocal qui contenait mademoiselle Camargo et y plongea la main. Mademoiselle Camargo, qui ne connaissait pas Thierry, pour un médecin très savant et pour un homme fort spirituel, se mit à ramer circulairement le plus vite qu'elle put, ce qui ne l'empêcha pas d'être saisie au bout d'un instant par l'extrémité de la patte gauche et de sortir de son domicile la tête en bas. « Tiens, dit Thierry en la faisant tourner à peu près comme une bergère fait tourner un fuseau. C'est la rana temporaria, voyez, ainsi nommée à cause de ces 2 taches noires qui vont de l'œil au tympan, qui vit également dans les